qu'on a déjà pris. Donc normalement c'était Frédéric Guérin qui devait venir à cette séance et qui devait intervenir cet après-midi. Il m'a passé un coup de fil, malheureusement il est malade. Donc il a dit non, après la séance, il ne sera pas là cet après-midi. Il m'a dit d'ailleurs que s'il y avait des gens qui étaient intéressés, ils pouvaient envoyer son texte. En attendant, donc je vais le remplacer pour la modération. C'est pas tellement mon genre d'être modéré, mais modérateur, ça peut être. Donc, cette séance, nous nous verrons successivement. C'est toi qui commence, on est bon, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Aïe Charvin, pardon, qui est maître de conférence en psychologie cognitive, qui nous développera. Oui, oui, je développera. Et Jean-Pierre Boulet, qui est maître de conférence en architecture, qui développera aussi. Donc, je vous laisse la parole à vous. Merci, merci Xavier pour m'avoir invité, puis je vais voir aussi parole. Hein. Et voilà, je suis très contente de pouvoir aussi poursuivre dans la continuité des interventions sur le sujet qui nous amène depuis hier. Et dans le cas des neurosciences cognitives, quelque part, moi je vais aborder l'aspect plus comportemental, plus fonctionnel de la question. Je suis ancien chercheur en neurosciences cognitives et en psychologie différentielle, donc ça sera aussi, il y aura des connotations différentielles dans ma présentation. Neurosciences cognitives, je vais préciser aussi dans quel sens je l'entends, c'est-à-dire la façon dont Gazzaniga et Miller, dans les années 70, se sont interrogés sur la question comment la pensée peut-elle jaillir du cerveau, et qu'ils en sont arrivés à l'idée que c'est bien que dans une interface interdisciplinaire, pluridisciplinaire, transdisciplinaire, qu'on pourrait éventuellement répondre à cette question-là, et c'est à partir de là qu'on a associé aussi biologie, neurosciences, anatomie, anatomopathologie, linguistique, sciences cognitives, informatique, philosophie, psychologie, etc. Et pour être aussi psychomotricienne, pour avoir aussi travaillé à la fois sur le propre moteur, en psychologie du développement, en cognitive, et puis maintenant je me sens plus dans un champ large de neurosciences cognitives, c'est ce qui va un petit peu imprégner ma présentation. Voilà. Alors, Donc, j'ai essayé de répondre à l'invitation de Xavier, justement, à partir de ce qu'il avait dit dans son texte introductif au colloque sur la création artistique dans son articulation avec l'intention esthétique, en vue d'une modélisation appropriée de l'ensemble des interactions entre art, corps et création, et notamment la cognition. Je me suis donc posé la question où se situaient les émotions dans cette question, est-ce qu'elles étaient à la fois dans le champ de la création artistique et ou dans le champ de la cognition émotion des neurosciences cognitives, je pense que c'est dans les deux. Et donc moi je vais essayer d'apporter ma contribution sur l'interaction émotion-cognition, là où on en est aujourd'hui dans les recherches, et de quelle manière on peut apporter un appui, mais aussi bénéficier d'un appui des arts sur la question. Donc le plan, je présenterai un peu les données actuelles sur l'interaction émotion-cognition. Ah oui, ça c'est moi, désolée, je vais m'approcher, je vais dévêcher. J'en parlerai aussi des limites d'une autre façon que l'intervention d'hier sur effectivement qu'est-ce qu'on peut dire dans un aspect critique sur les neurosciences cognitives et puis les interfaces, et j'ai voulu aussi terminer sur quelque part les enjeux sociétaux que les questions de ce colloque posent dans cette phase de réorganisation vers le numérique avec une part importante croissante de l'intelligence artificielle, y compris sur le plan économique et social de notre société. Et quelque part, quel rôle nous on a à jouer à ce niveau-là au travers de nos contributions. Donc je vais commencer sur la difficile avancée des connaissances dans le champ d'interaction émotion-cognition. Parce que il faut savoir quand même que le passage de la cognition froide à la cognition chaude est relativement récente. Alors, qu'est-ce qu'on entend cognition froide? C'est quand dans votre champ on s'intéresse essentiellement à la cognition, donc on voit langage, raisonnement, attention, fonction exécutive, etc. Et qu'on s'est rendu compte que nos théories ne fonctionnaient pas totalement, étaient déséquilibrées parce que. Il y avait une partie, notamment en lien avec les émotions, qui était ignorée dans les champs conceptuels. Et on est venu à s'intéresser donc, à affect, instinct, éthique, esprit. Et là, vous voyez, c'est vraiment dans une perspective des neurosciences cognitives, de la philosophie jusqu'à l'anatomie. Mais même si on dit qu'on est dans l'ère maintenant de la cognition chaude, la place des émotions reste très secondaire. Et je vais vous donner cet exemple-là au travers d'un travail que j'ai fait, puisque je suis spécialisée sur les fonctions exécutives et plus particulièrement l'inhibition cognitive, et puis sur les émotions. Je travaille à mettre en place de nouveaux tests d'évaluation de la sensibilité émotionnelle, par exemple. Donc je travaille à l'évaluation, le diagnostic et la remédiation. J'essaie de mettre en place de nouvelles techniques de remédiation non médicamenteuses. Auprès de patients Alzheimer, cérébro-lésés, je travaille aussi avec des alcoolodépendants, avec des délinquants sexuels, et puis dans certains cas aussi au niveau développemental. Et ce que vous avez ici, c'est une analyse justement des publications de 1981 à 2010, j'ai fait un travail à ce moment-là dans un colloque. Et vous voyez donc en rouge la colonne des émotions, le pourcentage de publications. Donc quand vous tapez les mots-clés neuropsychologie ou psychologie cognitive, est mémoire ou langage ou apraxie ou émotion ou fonction exécutive, vous pouvez voir qu'il y a des champs qui sont extraordinairement pourvus en publication, en recherche, essentiellement la mémoire et le langage. D'ailleurs, c'est dans ces champs-là que souvent on évalue d'ailleurs le trouble de la maladie d'Alzheimer, c'est à travers. Des expériences sur la mémoire et le langage au départ chez le rat, avant d'utiliser les médicaments chez l'homme. Et bien évidemment, les émotions sont sous-représentées. Et si vous regardez aussi le taux de publication entre Alzheimer et mémoire, langage, apraxie, émotion, c'est la deuxième ligne, vous voyez que le pourcentage est encore plus petit. Et si vous regardez l'évolution de 81 à 2010, le pourcentage varie très peu, d'accord. Même si on est dans une émotion chaude, on a un déficit de recherche dans le champ des émotions et bien évidemment d'interaction émotion-cognition. Alors, les éléments, alors dans le cas des émotions, il y a quand même des choses qui sont fortement investies, donc vous avez parlé de la théorie de l'esprit. Donc, bien évidemment, par rapport à la question de l'empathie, et bien évidemment, c'est juste aussi avec la question de sympathie. Donc, c'est l'étude de l'état d'esprit relatif à sa propre relation à autrui, passant notamment par le processus d'empathie, même si certains ne sont pas forcément d'accord sur la présence d'empathie ou de sympathie, les questions n'est pas très claires sur le sujet. Mais la relation à autrui, il faut aller chercher quand même la dimension émotionnelle en intérieur. Et pourtant, maintenant, c'est ce qu'on vend beaucoup dans nos domaines, notamment en neuropsychologie. De travailler avec des patients dans une perspective de théorie de l'esprit dans lequel vous allez avoir justement le stroop émotionnel qui consiste à prononcer un mot d'une couleur et puis dans une autre couleur et ce mot signifiant une émotion. On parle beaucoup de cognition située, cognition sociale, c'est-à-dire effectivement la connaissance dans le cadre de son environnement et donc bien évidemment si on est dans le cadre d'interaction avec autrui, il y a une dimension émotionnelle qui est beaucoup plus importante. Mais ce n'est pas forcément un choix de recherche précisément sur les émotions. Et puis, on le voit aussi dans les approches thérapeutiques, dans notamment les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, où on essaye, je ne parle pas de façon de mon cas, c'est un autre sujet, là je suis dans le cadre d'une ressource cognitive. Donc on a, quand on prend en charge des patients dans le cadre de la neuropsychologie, il y a très peu de passation de tests sur les émotions. En général, ce sont des questionnaires très larges qui évaluent tout petit registre émotionnel. Et bien évidemment, dans la prise en charge, alors que les émotions sont extrêmement importantes dans l'interaction avec autrui, le temps familial, le temps professionnel, et puis dans tout l'environnement social, on n'a pratiquement aucune forme de remédiation. C'est pour ça que je travaille à augmenter ce panel. Donc, on considère l'émotion, mais pas comme une unité fondamentale de recherche du comportement. Et là, bien évidemment, il faut que ça change. Et on va voir que, quelque part, l'avancée de nos recherches sont peut-être très en deçà de ce que vous faites dans le champ des arts. Donc, dans le cas d'attention, pour vous citer le type de recherche, on va travailler sur l'attention sélective, focalisée, distribuée, partagée, soutenue, le niveau d'éveil, le niveau de vigilance. Et on va regarder différentes pathologies pour lesquelles on peut avoir un trouble dans un registre et pas dans un autre, et comment on va remédier à ce niveau-là. Dans le cas des émotions, alors, je ne parle pas dans le champ du trouble mental, enfin, le cas de la prise en charge en psychologie clinique, en psychopathologie. Je répète que je suis vraiment dans le cadre de la neuropsychologie, de la neurosciences cognitives. On n'a pas d'étude spécifique des processus émotionnels, c'est plutôt une analyse générale des conduites, souvent au travers de questionnaires. Quand on parle des émotions, émotions primaires, secondaires et d'arrière-plan, pour aller distinguer les uns et les autres, dans quel moment, dans les émotions primaires et ensuite secondaires, puis celles d'arrière-plan, des stades instables dans le temps et ainsi de suite, c'est relativement flou comparativement aux études qui sont menées, par exemple, sur l'attention, de la mémoire ou de l'engagement. Donc on est très en retard sur la question. Et puis, par exemple, le travail que je fais, moi, c'est j'essaie de travailler au niveau processuel, donc j'essaie d'évaluer des patients au niveau de leur perception des émotions, dans le sens du ressenti émotionnel, de la compréhension des émotions. Souvent, c'est par rapport à autrui, mais aussi par rapport à soi. La reconnaissance des expressions faciales émotionnelles, moi, je le place dans la compréhension des émotions, pas comme de la perception. Et puis la régulation émotionnelle, c'est ce qui est le plus travaillé, puisqu'on verra aussi que, quelque part, on considère que l'individu a un certain niveau d'intelligence ou de capacité s'il est capable de réguler ses émotions et d'être voire même en condition froide par rapport au fait de se laisser envahir par ses émotions. Si vous interrogez sur tous les mots que vous utilisez pour exprimer vos émotions, ou si vous demandez de exprimer vos émotions, vous verriez que vous auriez certainement plus de difficultés que par rapport à la cognition, sur lesquelles, au contraire, on vous apprend et on a un langage beaucoup plus riche. Il faut savoir aussi que, donc, du coup, 90% des recherches en neuropsychologie, en neurologie sur les émotions sont essentiellement axées sur un type de paradigme, la reconnaissance des expressions faciales émotionnelles, à partir de visages très souvent artificiels, j'essaierai de vous montrer tout à l'heure, donc qui ne correspondent même pas à la réalité de ce que nous traitons tous les jours, dans un nombre restreint, puisque c'est essentiellement les six émotions, c'est pratiquement que les six émotions de base, ou voire même une émotion positive, une neutre, une négative, et puis vous avez la plupart des recherches qui sont que sur ce registre-là, et qui interprètent les pathologies, la schizophrénie, l'Alzheimer, enfin, pas de pathologies, vraiment des troubles émotionnels. Donc, dans ce cadre-là, il y a un élément qui pose problème aussi, c'est l'interface de l'émotion avec la cognition et la motricité. J'y reviendrai après concernant la motricité, mais ce qui nous intéresse, enfin, sur lequel il y a beaucoup plus de recherches, c'est l'interaction entre la cognition et l'émotion, avec, du coup, dans le cadre des recherches, une interprétation majeure qui estime que la cognition supervise, est en supériorité hiérarchique par rapport aux émotions. L'émotion serait un sous-système comparativement à la cognition. L'essentiel des recherches se porte sur la régulation émotionnelle, c'est-à-dire pour se dire comment est-ce que la cognition permet de réguler les émotions, c'est pas le fameux contrôle, la gestion, la régulation des émotions, et ça on sait notamment dans la pathologie. Et donc, 95% de la littérature sur la régulation émotionnelle, donc notamment, par exemple, le contrôle inhibiteur des émotions, c'est-à-dire que normalement l'inhibition permet de filtrer les émotions. Même si vous pensez, vous êtes face à quelqu'un qui est obèse et que vous vous sentez mal à l'aise, vous devez masquer votre émotion et donc vous devez inhiber l'expression de cette émotion à autrui. Donc l'inhibition joue un très grand rôle dans la régulation émotionnelle. Et puis, à l'inverse, ce qui est beaucoup, beaucoup moins étudié, c'est de quelle manière l'émotion régule la cognition. De quelle manière l'émotion participe à la prise de décision et de quelle manière elle peut interférer ou favoriser la prise de décision. Et là, on doit justement à Damasio d'avoir mis en avant le marquage thématique des informations, sachant que ça veut, ce qui est sous-entendu derrière, c'est que quand vous traitez une information nouvelle sur un plan cognitif, vous allez la stocker en mémoire à long terme, mais vous allez la stocker également avec une balance émotionnelle, positive, négative, mais évidemment qui peut varier dans le temps. C'est-à-dire que durant votre petite enfance, vous allez plus y associer une balance émotionnelle négative, qui va amener à justement mettre en place des mécanismes de refoulement, des mécanismes inhibiteurs, pour empêcher ces émotions négatives de revenir à la conscience. Et donc, empêcher aussi l'information cognitive de réaccéder à la conscience. Et donc, toute la difficulté, ça va être la levée d'une inhibition. Et on va en parler par rapport aux arts, notamment sur le dessin automatique. Je proposerai mon regard sur la question complémentaire à tous les regards qui ont été portés sur toi, Xavier, notamment, HM, sur le sujet. Alors, pour donner un exemple, dans le cas d'analyse d'Alzheimer, il y a très peu de recherches sur les émotions parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Parce qu'il y a des données complètement contradictoires dans la littérature. Pourtant, dans le premier cas du docteur Alzheimer, qui avait évalué sa première patiente, qui a répertorié sa première patiente, le premier élément qu'il indiquait, c'était les troubles émotionnels. Avant même de parler des troubles mnésiques, c'était de parler des troubles émotionnels. Alors, moi, je propose une explication au travers des recherches que j'ai pu faire sur, justement, ces difficultés à évaluer le déficit émotionnel en maladie d'Alzheimer, parce qu'il y aurait plusieurs mécanismes conjoints. Je vais en présenter deux là, puis je vais en présenter un troisième. Premièrement, c'est qu'il y a un déficit inhibiteur donc, dans la maladie, et ce qui fait que, comme il n'y a plus de filtrage émotionnel, l'information sort brute de décoffrage, donc explosion coléreuse, mais aussi impulsivité. Donc on voit que quand on réactive des informations anciennes stockées en mémoire avec leur balance émotionnelle, elles vont sortir, mais non filtrées. Donc du coup, dans l'interaction avec un patient Alzheimer, c'est relativement difficile. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est peu étudié, parce que dans la vie qui a été mal diagnostiquée, plutôt du côté de la dépression, et de l'apathie, c'est qu'il y a une atteinte au niveau de l'amygdale et donc il y a une perte de marquage somatique des informations, c'est-à-dire que concernant seulement les informations nouvelles et donc pas les informations anciennes, seulement les informations nouvelles n'ont plus, donc cognitives, n'ont plus d'association de balance émotionnelle. C'est-à-dire que par exemple, quand vous annoncez à un patient Alzheimer qu'il est Alzheimer, il vous regarde et il dit: bon, vous voyez les patients à côté, les aidants professionnels qui sont blancs, parce qu'ils savent ce que ça veut dire d'être dans un processus involutif, dégénératif. Et quand j'en ai discuté avec justement des neurologues qui reçoivent dans les premières consultations, ils me disent que oui, ils sentaient qu'il y avait quelque chose. Ils disent que quand ils arrivent dans la salle d'attente, ils sentent si le patient est Alzheimer ou pas, même sur la façon dont il se comporte, dans cette indifférence, sympathie par rapport à autrui. Sauf que c'est très difficile parce que ça concerne que les informations nouvelles. Donc si vous pensez à Alzheimer, vous dites, à ce moment-là, il n'y a plus d'émotion, faux, puisqu'ils sont capables de capter des informations anciennes et les valences émotionnelles associées. Donc à ce moment-là, ils ont aussi des manifestations émotionnelles concernant ces parties-là des émotions. Puis bien évidemment, chaque patient n'a pas le même degré d'atteinte, donc on va dire c'est toujours blanc ou noir. Alors, j'essaie d'apporter un regard différentiel sur justement cette question-là, sur cette interaction émotion-cognition, et puis aussi holistique, parce que je suis aussi psychomotricienne, et donc en étant psychomotricienne depuis le début de mes recherches, j'essaie d'aborder l'individu dans sa globalité sur le plan émotionnel, sur le plan cognitif et moteur. Et c'est comme ça que je me suis, en plus quand je suis différentialiste, je me suis interrogée sur les différences individuelles dans ce domaine-là et sur l'homogénéité et l'hétérogénéité du comportement. Et on étudie de manière assez dichotomique, on a saucissonné le comportement humain parce que chacun a voulu étudier sa petite partie. Mais bien évidemment, un individu n'est pas saucissonné, que motricité, cognition, émotion sont en interaction, y compris en termes de ressources, et que quand vous vivez un deuil et que vous allez en cours, vous voyez une chute de vos performances attentionnelles parce que vous êtes en train de lutter contre la souffrance liée au deuil. Pareil, si vous cassez les jambes et que vous devez lutter cette fois-ci contre, par rapport à une douleur physique. Sur cette question-là, donc la réflexion que j'ai essayé de mener par rapport, alors moi je pars toujours de l'observation d'abord du comportement des patients. J'observe leur singularité, j'essaie de voir s'il y a des degrés de généralisation, s'il y a des possibilités de généralisation, je généralise, je moyenne. Mais si je vois qu'il y a des profils différents qui apparaissent, à ce moment-là, j'essaie d'étudier les différents profils et j'essaie de théoriser derrière les observations. Et sur le sujet, j'en suis arrivée à dire que sur le plan émotionnel, puisque tout est en lien avec tout, on peut être du registre du plus cognitif au plus émotionnel et moteur. Et donc je donne l'exemple, c'est-à-dire que quand vous êtes en cas de l'agacement, vous avez une dimension cognitive qui est importante et une dimension émotionnelle et motrice qui est faible. Bon, c'est une image qui va apparaître. Voilà. Alors que quand vous êtes dans un registre émotionnel et moteur important, vous avez une expression émotionnelle forte et motricité, là, dans ce cas-là, c'est la motricité faciale, où vous voyez un marquage des traits extrêmement important. Et vous pouvez faire la même chose sur la joie, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, vous avez aussi ce crescendo. Comme il n'y avait que les émotions primaires, secondaires et tertiaires, moi j'ai essayé de parler, puisque je ne voyais pas que trois registres, alors j'en avais vu cinq. Enfin, on pourrait en avoir 12, hein. Et j'ai essayé de montrer qu'il y avait aussi un degré d'intensité, que c'était aussi corrélé avec une certaine augmentation de l'intensité émotionnelle, du ressenti émotionnel notamment. En art, ça a été bien compris bien avant nous, d'accord? Parce que si vous deviez qualifier l'intensité de l'émotion qui est présentée sur cette image, vous n'avez aucun doute et vous voyez comment justement, ont été schématisées les émotions. Je vais le décortiquer dans la diapo suivante. Sur le froncement au niveau donc, des sourcils, du corps, les yeux au niveau du nez, froncement du nez, et on va voir comme ça que selon le type d'émotion, on n'a pas les mêmes caractéristiques motrices, d'expression faciale motrice, et qu'à partir de là, aussi bien sur un plan cognitif que sur un plan émotionnel, parce qu'on peut faire les deux, on va décrypter l'individu. Et vous voyez que c'est exprimé, par exemple, j'ai écrit trois exemples différents et qui sont bien antérieurs aux recherches en neurosciences cognitives sur le sujet, qui présentent tout à fait les caractéristiques avec toutes les justesses. Donc ça veut dire que dans le champ des arts, ces dimensions-là ont été intégrées progressivement à la pratique, et y compris jusqu'à Picasso, puisque quelque part, il a caricaturé aussi. Mais on a un problème majeur sur la façon d'utiliser les outils pour mettre en évidence les émotions. Est-ce que vous voyez, donc ça, ces fameuses images d'Ekman, vous voyez Ekman sur cette image-là, qui a utilisé donc, le modèle de la face et la plupart des recherches sur la connaissance des expressions faciales émotionnelles utilisent la face de Ekman, notamment lui, les cobayes, recherche. Et je vous présente donc cette image-là qui est pour moi une image artificielle, comparativement à la seconde, qui est une image naturelle d'expression des émotions. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous percevez un peu la différence entre les deux? Mais si tu veux comparer, moi je vais faire des images. Autant pour moi. Il y a une mobilité au niveau des yeux que l'on ne peut pas produire artificiellement. D'accord. Et Ekman, il a très bien compris. Alors, je vais vous montrer après parce que. Non, c'est pas Ekman, mais il y a une recherche, là je vous parle d'un autre type de recherche, qui a été fait par Gosselin. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des images, et puis il a mis des bulles sur ces images. Et il a fait un travail où il présentait donc ces images en enlevant une bulle à droite, ou une bulle à gauche, ou une bulle, et il enlevait deux bulles, trois bulles, etc., jusqu'à ce que la personne soit capable de dire quelle émotion est présentée dessous, au niveau de l'image. Et comme ça, il a identifié quelles étaient les particularités du visage qui permettaient de reconnaître telle ou telle émotion. Est-ce que vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes points du visage qui sont reconnus selon le type d'émotion? D'accord. Alors, ce que vous voyez en dessous, c'est pour ceux qui s'intéresseront à ces questions-là, c'est qu'après, il y a tout un travail de filtrage, de fréquence, de fréquence, et puis il y a des simulations. L'exemple en dessous, c'est la simulation, c'est la modélisation des expressions naturelles identifiées au-dessus. Chez Lina aussi. Et même, ils ont été jusqu'à identifier en bleu, c'est ce qui est attendu par un gros visage. En rouge, c'est ce qui ne devrait pas être traité. Et en bleu, c'est ce qui est trop traité par rapport à ce qui devrait être traité pour reconnaître rapidement l'expression faciale. Et donc, c'est par exemple dans la joie qu'il y a plus de traitement, parce que la joie a des éléments communs avec d'autres expressions faciales, enfin, d'autres émotions. Et qu'il faut faire le tour de tout le visage pour être sûr qu'on a bien reconnu la bonne émotion. D'accord. Et donc du coup, ça demande plus de temps de traitement que certaines émotions qui sont beaucoup plus facilement reconnaissables, comme la colère. L'autre problème qu'on rencontre, c'est que, essentiellement les recherches, c'est dégoût, peur, tristesse, joie, et puis... Oh, pardon. La surprise, on ne sait pas trop où la positionner, et vous voyez qu'il y a un déséquilibre important sur les recherches menées sur les émotions positives par rapport aux émotions négatives. Bien évidemment caricaturées, parce que sont ces émotions de base et... C'est idéologique, cette Oui, mais c'est 95% de la littérature dans notre domaine. Moi, je vois une colère très positive ou une tristesse très positive. Alors, vous avez raison, je vais l'aborder après. Non, je suis d'accord avec vous, c'est bien. Ça va que... Sinon, on commençait à voir bien ce genre. Non, mais il n'y a jamais de petite contre-vérité, il y a des grandes vérités. Donc, mais là, on voit que, par exemple, en activité cérébrale, vous voyez en différentes couleurs représentant les différentes émotions qui ont été étudiées. Et il n'y a pas de région particulière du cerveau qui traite la joie ou la peur, la colère, la tristesse. Et donc, bien évidemment, on est dans des cas des réseaux neuronaux, des circuits. D'ailleurs, moi, je ne travaille pas sur les fonctions profiles, mais sur les systèmes. Moi, je travaille dans le système. Et tout est en lien, tout est interpénétré, c'est pas vrai. Donc, on peut étudier isolément et trouver un test qui va évaluer une émotion. Il y a toujours plusieurs émotions qui sont conjuguées, mais dans un visage. Et on est très réducteur sur le sujet. Et je peux vous montrer que... Attends, je ne suis pas au bon endroit. J'ai travaillé justement parce que j'ai construit une échelle informatisée d'évaluation de la sensibilité émotionnelle au niveau de la perception, de la compréhension, de la régulation émotionnelle. Et pour ça, j'avais besoin de demander justement quelle émotion vous ressentez face à cette image, l'intensité de l'émotion que vous ressentez face à cette image, ou l'image, enfin, l'émotion exprimée par la personne, et comment vous réguleriez votre émotion face à un autre. Et là, je me suis rendu compte qu'en interrogeant une population d'étudiants en psychologie, donc il y en a ici dans la salle, considérés en partie comme experts sur le sujet, pas comme les artistes, pour un autre registre, Et je me suis rendu compte à ce moment-là que chacune des six émotions devrait être dans la case des émotions primaires. Pourquoi sont considérées comme émotions primaires. Et vous voyez que certaines sont classées comme avec une faible intensité, voire même une plus forte intensité. Donc les émotions sur lesquelles on travaille de base n'ont pas forcément exactement les mêmes caractéristiques, alors qu'on les fasse comme si elles étaient de même niveau, de même nature, même si elles expriment un registre de forme. Et un autre point qui pose problème sur le sujet, c'est l'exemple, justement, c'est le troisième registre auquel les patients Alzheimer ont un problème émotionnel, c'est que, justement, en travaillant sur ce test-là, donc, Madame D devait dire quelle est l'émotion exprimée par l'enfant qui est en premier plan sur l'image. Et sa réaction et sa réponse étaient de dire « Oh, les enfants s'amusent à casser des cailloux ». C'est-à-dire qu'elle était incapable d'identifier précisément les expressions faciales sur le visage, qu'elle traitait la situation de manière globale. C'est-à-dire qu'elle a, on trouve, c'est une autre partie de mes recherches qui tend à montrer qu'il y a un trouble de perception analytique chez les patients Alzheimer, donc trait par trait, et que par contre ils maintiennent la perception holistique globale, donc ils traitent l'information globale du corps, et ils ne voient pas le visage, la tristesse, la situation des enfants qui travaillent en Inde dans des carrières à casser des cailloux, dès cet âge-là, ils travaillent à cet âge-là. Et donc, du coup, elle est incapable de percevoir les émotions, et donc dans son interaction avec autrui, elle a un décalage. Un grand nombre de patients Alzheimer ont ces caractéristiques. Donc, un autre élément qui intervient justement, je vous ai dit, l'importance de l'inhibition sur l'émotion, et non pas avoir la création artistique. L'inhibition a un rôle important pour inhiber un programme antérieur, pour laisser place à un nouveau programme, ou quand on a deux informations parallèles à traiter, pour inhiber l'information non pertinente pour traiter l'information pertinente, ou quand on a routinisé des comportements, il faut pouvoir aussi stopper une routine pour laisser place justement à une activité déroutinisée. Et sur cette question-là, il y a un aspect qui est en lien avec la psychologie clinique et la psychopathologie, qui est le refoulement. C'est-à-dire que de notre côté, en tout cas moi de mon côté, je perçois l'inhibition comme justement un mécanisme écologique pour empêcher des émotions négatives qu'on n'arrive pas à gérer, hein, parce qu'elles ont été trop fortes, un traumatisme, des situations particulières de la vie quotidienne. Et donc, parce qu'on n'arrive pas à faire face à cette émotion-là, il y a un mécanisme protecteur qui va amener à inhiber cette information de façon à l'empêcher de remonter à la surface. Et donc, à partir de là, ce processus va faire qu'on va mettre des barrages dans l'accès à certaines informations dans les réseaux neuronaux. Et plus on va avancer dans le temps, en âge ou dans la pathologie, plus on doit utiliser des ressources pour maintenir ces barrages, et moins on va avoir de ressources pour gérer sa vie quotidienne, et à ce moment-là, on décompense dans la pathologie. Et donc, tout le travail thérapeutique, c'est de lever les barrages pour redonner des ressources sur le traitement cognitif, émotionnel et moteur dont on a besoin dans la vie tous les jours. Et donc, cette perte de... Alors, il y a un deuxième aspect, c'est que plus on se spécialise, plus on renforce des réseaux. Donc c'est comme la bille qui descend dans le sable, qui à force de... Il y a plein de petits passages qui ont été créés par la bille, puis à un moment donné, elle passe un peu plus dans un sillon, enfin dans un sillon, le sillon se creuse, le sillon se creuse, le sillon se creuse, et puis à un moment donné, ben, on va avoir du mal à sortir la bille de ce sillon d'un certain comportement. Et donc, il faut pouvoir trouver des moyens pour lever ces inhibitions. Et donc, c'est un bon exemple de moyens pour lever ces inhibitions. J'avais appris un exemple de Bacormac, mais je n'ai pas le temps. Et donc, sur le sujet, le moyen pour lever ces inhibitions, c'est d'utiliser d'autres registres, notamment entre cerveau gauche et cerveau droit. Et donc, pendant longtemps, ce sont les substances, donc, diverses drogues, alcool, etc., des substances chimiques naturelles ou artificielles qui permettent de lever l'inhibition et donc à ce moment-là de retrouver la flexibilité de la pensée et d'aller chercher d'autres registres dans le processus créatif pour renouveler le processus créatif. J'ai un autre exemple d'un artiste avec qui j'avais discuté, je pense que vous ne connaîtrez pas, qui s'appelle François, et qui disait que pour renouveler sa créativité, il avait besoin de parler à autrui pendant qu'il produisait. C'est-à-dire qu'il avait besoin de mobiliser son cerveau verbal pour libérer son cerveau dans le registre visuo-spatial. Et toi, tu es dans le registre inverse, c'est-à-dire que tu focalises sur le visio-spatial pour libérer le verbal dans ton écrit. Est-ce que c'est grave ? C'est la meilleure démonstration de l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est l'adaptation, c'est la flexibilité. Donc, c'est un très bon cobaye, c'est vrai que tu vas travailler avec ça, peut-être intéressé ou avec Jacques, parce que voilà, je pense que c'est des exemples pour montrer de quelle manière on peut lever le mythe. Comme mon temps est dépassé, je vais pas. Alors, si, je vais. Est-ce que vous êtes intéressé pour voir justement les différences de traitement entre les deux cerveaux? Je peux vous faire tester ça. Donc, alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cacher un œil, mais sans presser l'œil, c'est-à-dire qu'il faut juste faire comme une coque, parce qu'il ne faut pas que vous exerciez une pression sur la rétine. D'accord? Donc, choisissez l'œil que vous voulez. D'accord? Et vous allez voir apparaître des lettres, et vous devez pouvoir dire après quel est le mot qui a été présenté. À l'écran. Alors, quel mot vous avez tapé? Combien ont vu acte? Zéro dans la salle. Alors, regardez un petit peu comment sont présentés les deux. Maintenant, vous allez donc mettre votre cacher l'autre œil. On voit moins bien. D'accord. Vous avez lu. Alors, une partie de la salle aura lu note, parce que c'était sur le plan spatial. Note. Non. Puisque je ne vous ai pas dit dans quel sens le lire. Oui, mais tu nous as donné une autre grille de lecture qu'on n'avait pas avant. Non, mais sans montrer de grille de lecture, même sur 4, habituellement, ça se partage. Je fais souvent ça dans les amphis, en petit groupe, et c'est récurrent. Ça marche. Parce qu'il y a plusieurs choses. C'est que normalement, effectivement, comme le traitement verbal est dans l'hémisphère, au niveau de l'hémisphère gauche, c'est plutôt un traitement temporel qui est fait, donc œil droit, hémisphère gauche, et puis ça pour les droitiers, bien évidemment. Et ensuite, le traitement spatial, c'est donc hémisphère droit, donc œil gauche. Et donc, on va avoir une inversion de lecture suivant l'œil que l'on ferme. Après, malheureusement, dans cette expérience-là, il faut savoir qu'il y a 30% de droitiers qui ont une dominance hémisphérique droite, donc pas gauche. Donc ça ne répond pas, puis les gauchers, je ne vous en parle pas. Et en fait, on en a vraiment quoi. Selon... Est-ce qu'il y a une norme ou est-ce que... Non. Les différences individuelles en tant que différentialistes, c'est des stratégies que chacun d'entre nous avons construites par rapport à des redondances d'outils à notre disposition. Et l'autre exemple, c'est qu'est-ce que vous voyez ici? Les deux, il y a un bébé dans la tête. Donc, si vous êtes en traitement analytique, vous voyez les personnes, le lac, etc. Si vous êtes en traitement holistique, vous voyez le bébé. Qu'est-ce qui fait que vous orientez votre perception sur le sujet? Et donc, dans le domaine des arts, comment est-ce que le créateur fait par rapport. Comment le créateur prend en considération le spectateur et la diversité inter-individuel, même intra-individuel, sur la construction du cerveau, et je pourrais vous citer des exemples extrêmement importants de différences individuelles sur le cerveau. Je vais terminer, j'avais d'autres choses que je pourrais laisser mon PowerPoint parce que j'ai d'autres choses que je pouvais vous montrer, mais pour vous dire que c'est un appel justement dans le cadre des arts par rapport à cette transformation justement autour de l'intelligence artificielle et du numérique, par rapport à la place des émotions qui existent ou pas dans le registre. Moi qui travaille sur la remédiation des émotions avec les patients Alzheimer, je suis en difficulté parce que les patients Alzheimer, autant on nous apprend à nous développer sur le plan cognitif, autant à nous homogénéiser sur le plan cognitif, autant c'est l'inverse sur le plan des émotions, et que bon nombre de patients sont en impossibilité d'exprimer verbalement, de mettre en mots leurs émotions, et la diversité des émotions, puisque est-ce qu'on vous demande beaucoup, souvent, à part comment ça va, alors peux-tu me décrire l'émotion que tu as ressentie face à etc. Alors qu'on vous demande comment tu as retenu cette information-là, tu es passé par quoi. Et on a un manque sérieux, et dans le cas de l'intelligence artificielle, on est plutôt dans le principe de la régulation des émotions, du contrôle des émotions, notamment par rapport à la prédictibilité, gérer, éliminer la prédictibilité. Alors moi je pense que dans les programmes qu'on la défend, notamment ceux qui vont dans les masters, justement sur le numérique, je pense que c'est important de réfléchir à introduire la dimension émotionnelle dans la programmation, pas simplement sur la provocation, mais dans la programmation, sur le caractère justement émotionnel dans la prédictive, puisque ces émotions jouent sur la prise de décision, sur le fait que quand on produit des codes sources, elles sont influencées par notre conception épistémologique, éthique et déontologique, et que dans le cas justement de l'homme-machine, on est dans le cas d'être dans un cerveau de plus en plus en absence d'émotion, anédonique, et c'est extrêmement grave pour la société de demain. Et donc c'est un appel collectif aux scientifiques de continuer à défendre l'importance de l'émotion et pas simplement dans le sens de le réguler, de l'empêcher de faire surface, parce que dans ce qui est bankable, plus on peut être en condition froide, plus on est valorisé. D'accord ? On demande de mettre les émotions au port de l'entreprise. D'accord ? Au contraire, c'est un vecteur important dans la gestion des ressources humaines, mais ce n'est pas ce qui est actuellement mis en avant et que c'est en train justement de chuter. Et donc il faut qu'on se serre les coudes sur cette question-là pour avancer sur le sujet. Mais c'est une question de culture d'optimisation aussi. Si j'étais chinois, je ne serais pas parlé de l'émotion. Absolument. Collaborateur de recherche de cette école. Je suis architecte et informaticien Et je vais vous présenter donc un exposé qui se nomme « Cognition et composition architecturale ». Alors, ma conférence, donc s'intitule « Cognition et composition architecturale », va aborder ce sujet principalement sous l'angle du numérique. Et le plan de la conférence pourrait avoir un sous-titre qui serait « Le ringard et le geek ». Voilà. Donc, ringard, alors, parce que je vais aborder certaines notions assez poussiéreuses de du savoir en architecture, celui qui concerne son vocabulaire et ses modalités de composition. Et, bon, je vais vous présenter une recherche que j'avais entreprise avec des collègues Mario Borio et Michel Léglise, donc à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse et à l'École d'architecture. Et donc, là, on va utiliser le langage comme fil d'Ariane dans l'étude des processus mentaux de l'architecte. Bon, et puis il y aura aussi un petit aspect geek, parce que je vais m'intéresser aux architectures numériques. Voilà. Bon, je pense qu'il faut que j'aille très vite, hein. C'est ça, oui, c'est... D'accord, je peux. Donc, je vais peut-être pas trop développer ça. Alors... On part de l'hypothèse que les expressions et descriptions langagières du concepteur reflètent l'organisation de son espace mental, à savoir l'ontologie, les êtres ou éléments qui peuplent cet espace avec leurs relations, leurs propriétés distinctives, les niveaux d'interprétation de ces éléments et les caractéristiques des espaces physiques et géométriques concernés. Alors on va prendre un exemple très privilégié de la composition en architecture qui est la baie. Alors, évidemment, la baie est elle-même une organisation raisonnée des éléments. Bon, elle a une structure, qui est elle-même décomposable en pied droit et mouvement. Son embrasure, qui est le trou qu'on va percer dans le mur. Son assise, qui va la délimiter par le bas. Son remplage, qui est une collection d'éléments rapportés dans l'embrasure qui viennent diviser ou réduire l'ouverture, proprement dite, pour des questions fonctionnelles ou esthétiques. Et etc. Bon, il y a pas mal d'éléments. Donc c'est elle-même une organisation d'éléments. Et ces éléments sont organisés par un certain nombre de relations. Donc d'abord des relations taxinomiques qui précisent le type de l'élément. Alors les pieds droits et le couvrement sont des éléments de structure. Des relations méronomiques qui précisent des décompositions en parties. Alors vous avez l'exemple... Le tympan, l'alette et la lèche sont des parties du remplage. Et des relations géométriques qui vont contraindre le positionnement relatif et le dimensionnement de ces éléments constitutifs avec des méthodes d'orientation de l'espace, on va dire, qui peuvent changer, hein, qui peuvent se modifier. La perception de l'espace par un architecte est assez, comment dire... un peu comme s'il avait un don d'être un peu partout à la fois, puisque vous avez les géométraux dans lesquels vous n'avez pas de point de fuite, donc c'est un peu comme si le scanner était du bâtiment. Quand il décrit un élément, il se situe devant l'élément, c'est pour ça que, par exemple, que le jambage intérieur est décrit quand on est à l'intérieur, extérieur, quand on est à l'extérieur, etc. Bon, vous avez des choses sur l'orientation et de l'espace qui sont sans doute un peu spécifique à l'architecture, et puis des relations topologiques qui composent un élément, ses frontières, et en précisent les relations. Alors contact, coïncidence, recouvrement, etc. Et la frontière, elle, est explicite parce que la frontière des éléments possède un nom, c'est un élément d'architecture, vous avez le soffit, un fadeau, l'assise qui peut être une frontière, etc. Le tableau, les brèvements, bon. Voilà. Alors, oui, la représentation formelle de ces relations, donc chose que nous avons tenté de faire, a demandé de par leur spécificité la construction axiomatique d'une topologie et d'une géométrie projective originale. Voilà, donc ça c'était dans le cadre de recherches faites en intelligence artificielle, mais dans la version un peu ringarde de l'IA, qui est l'IA symbolique. Et non pas l'IA numérique. Enfin bon, je dis ça, c'est peut-être pas plus ringard qu'autre chose, mais enfin c'est sûr que actuellement l'IA numérique est en train de prendre le pas. Alors si on s'intéresse à la composition, on part du principe qu'une composition est un tout, fait apparaître un tout. Donc, une composition de plusieurs B est une B. On va prendre un exemple précis, la Servienne. Hein, donc, la Servienne, les textes qui la décrivent en parlent tout d'abord comme d'un assemblage de trois B. Deux B latérales couvertes d'un linteau et qui encadrent une B centrale couverte d'un arc. Et ensuite, au fur et à mesure que la description se poursuit, par des considérations relatives aux dimensions ou proportions des éléments constitutifs. Et c'est là que la Servienne est considérée comme une baie unique, avec une seule embrasure, et pour laquelle certains composants de la baie centrale deviennent des éléments de remplage. Par exemple, bon, là, les pieds droits de la baie centrale sont assimilés à des piliers. Donc on a un changement de statut des éléments que demande finalement cette lecture au niveau d'interprétation en composition. Donc, interprétation en composition modifie donc les caractéristiques taxinomiques et méronomiques des constituants. Nous avons les mêmes éléments physiques matériels dans l'espace, mais leur dénomination, classification et leur relation d'appartenance en tant que partie d'eux sont modifiées. La définition formelle de ces relations a donc nécessité l'introduction d'un jeu sur le calcul des organisations taxinomiques et mérologiques en fonction du niveau d'interprétation de la composition. Et il semblerait que cette interdépendance entre taxinomie et méronomie ne soit pas particulière à la composition architecturale et qu'elle intervient dans d'autres domaines de la cognition. En effet, ce jeu sur les dénominations classifications de composition n'est pas sans rappeler deux études menées dans le champ de l'anthropologie et de la linguistique. La première de ces études concerne les syllogismes de Winston, Chaffin et Hermann, et propose un ordre hiérarchique entre les relations d'inclusion de classe, taxinomie, méréologique, méronomie et spatiale. Très schématiquement, si nous avons deux expressions langagières qui mélangent deux de ces relations d'inclusion, l'expression que l'on peut en déduire porte sur la relation de plus bas niveau. On pourrait ainsi dire que dans ces pseudo-transitivités, la relation spatiale est stable, la relation méronomique un peu moins et la relation taxinomique encore moins. Alors, dans l'exemple que présentent les chercheurs, donc, évidemment, bon, si les ailes sont des parties d'oiseaux et que les oiseaux sont des créatures, les ailes sont des parties de créatures et non les ailes sont des créatures. Si la roue fait partie de la bicyclette et que la bicyclette est dans le garage, la roue est dans le garage et non la roue une partie du garage, etc. Donc, il existerait une sorte de hiérarchie entre ces relations d'inclusion de classe. Alors, l'hypothèse que nous pouvons formuler, en ce qui concerne la composition, c'est que la composition vient traduire un nouveau type de relation méronomique qui réorganise la taxinomie des composants. Alors, la seconde étude, elle concerne le niveau de base de dénomination usuelle des objets et de Barbara Tversky. Elle part du constat que la dénomination usuelle des objets ne correspond généralement pas à la catégorisation taxinomique la plus spécifique. On parle plutôt d'un arbre, voire d'un chêne pour être plus précis, mais rarement en employant sa dénomination scientifique latine. Donc le niveau de base correspond dans les taxinomies au niveau de description de la structure méronomique des objets. Du niveau géométrique au niveau de base, les objets sont différenciés par leurs constituants. Du niveau de base au niveau subordonné, les objets sont différenciés par d'autres attributs et par le trait distinctif de leurs constituants. Donc dans l'exemple que donne Barbara Tversky, tous les poissons, contrairement à d'autres types d'animaux, sont perçus comme ayant des nageoires, des branchies et des écailles. Le poisson rouge, contrairement au saumon, est petit, orangé et vit dans des bocaux, tandis que le saumon, contrairement au poisson rouge, vit dans des cours d'eau, nage en amont et est utilisé en salade. On ne va pas critiquer les goupillines. Donc le niveau de base soulage du fardeau cognitif d'une trop grande précision dans la communication. Alors, par analogie, nous pourrions dire que l'interprétation en composition correspond à une lecture synthétique qui soulage le fardeau cognitif d'une trop grande précision, mais qui, justement, ne qualifie pas très exactement certains éléments, comme le ferait une description plus précise. Bon, et puis, évidemment, se pose la question de qu'est-ce qui permet ou non une lecture synthétique. Bon, là, c'est une vaste question. Relève des phénomènes de perception, de prégnance, etc. Alors bon, on illustre comme ça cette interdépendance, avec l'exemple de Bé jumelé. Donc il s'agit finalement de faire rentrer deux structures dans une même structure. Et évidemment, certains éléments ne vont pas être qualifiés de la même manière. Bon, alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous comprenez le mécanisme. Hein, on a x fois une même structure, et en fait, ça devient non pas x structure, mais une seule structure, et donc il faut requalifier les éléments. Ok. Donc là, je vous présente des traces d'exécution de la maquette qu'on avait réalisée. Donc, si on donne à cette maquette logicielle de B jumelé, on propose deux interprétations. Soit on reste avec les deux B, donc les deux structures, les embrasures, etc. Soit elle propose une interprétation au niveau composition, en parlant de la structure de la B composée, de son embrasure, etc., etc. Donc, voilà un peu sur la quoi on essayait de tendre, c'est-à-dire de proposer des interprétations par logiciel qui respectent un peu le mode de pensée et de travail de l'architecte. Alors, deuxième partie, là, on va parler des architectures numériques et on va tenter d'en faire une classification grossière. Dans un premier temps, j'illustrerai très rapidement après. Alors, premier élément de classification, qui était un peu daté évidemment, mais qui était la première rencontre entre les architectes et les ordinateurs, c'était que l'agence était dotée d'un ordinateur et donc il fallait l'utiliser parce qu'on n'allait pas mettre de l'argent. Mais enfin, il n'y avait pas plus de motivation que ça. Et donc évidemment, ça s'est assez mal passé. Ça a failli tourner au divorce. Et là, on a deux univers bien séparés, c'est-à-dire qu'on conçoit d'une manière tout à fait traditionnelle et ensuite on essaye de passer ça sur la machine avec les crises de nerfs qui vont avec, etc. Alors peut-être qu'on peut dire que ça, c'est de l'ordre du passé. Bon. Ensuite, alors ça c'est très actuel, c'est la maquette numérique est un pivot de communication entre les acteurs du projet, c'est-à-dire qu'on va se servir d'une base de données mais qui est très précise, hein, qui contient une description totale des éléments, pour communiquer entre les maîtres d'œuvre, d'ouvrage, les différentes entreprises qui interviennent, les bureaux d'études, etc. Donc ça pose des problèmes d'organisation. Je ne vais pas vous parler du BIM, mais enfin, bon, le BIM, ça a évidemment une définition, c'est en anglais, Building Information, Model Modeling, etc. Mais ça peut aussi s'appeler bouleversement interprofessionnel majeur. Hein, puisque là, il s'agit de redéfinir des modes de faire. Et c'est, le problème n'est pas tellement technique. Le problème est qu'il va falloir apprendre à travailler ensemble, à collaborer ensemble, dans des exercices où avant c'était plutôt séquentiel. L'architecte, l'ingénieur, l'entreprise, etc. Et maintenant, il y a tout le monde ensemble. Donc, il faut échanger. Alors, ça pose des énormes problèmes. Je vais plutôt m'intéresser à ces deux dernières parties. C'est que le numérique déploie de nouvelles possibilités d'exploration de formes. Et là, bon, alors, le numérique et ses méthodes pénètrent profondément et le processus de conception et l'objet architectural lui-même. Donc vous avez sans doute vu ces nouvelles architectures un peu lisses, fluides, courbes, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc là, il y a une volonté manifeste de réutiliser des outils mathématiques et numériques dans le contexte bien précis de génération de formes architecturales. Donc là, on a une imbrication totale des deux termes, architecture et numérique, dans lequel le processus et l'objet sont profondément affectés. Et ensuite, il y a les architectures qui se développent sur les réseaux sociaux. Et dans ces espaces purement numériques, on voit apparaître des organisations spatiales qualifiées d'architecture virtuelle. Bon, alors certains y voient la préfiguration possible d'un Internet dans lequel les sites web seront remplacés par des organisations spatiales où l'accès à l'information recherchée se fera par déambulation dans des bâtiments virtuels ou des urbanités virtuelles. Alors, c'est une catégorie où le terme numérique est totalement prédominant et où le terme architecture peut être invoqué par le biais d'une analogie plus ou moins pertinente. Le processus de conception est évidemment affecté. Par contre, l'objet lui-même, pas toujours. On va essayer de le voir. Et pour ces deux catégories, alors ces deux dernières catégories, la question de la justification du terme architecture peut se poser. On va voir pourquoi. Alors, pour des exemples d'architecture numérique, en premier, la réutilisation de notions géométriques et topologiques, donc je vais passer très vite, la transposition géométrique du jeu de papillon, la bouteille de Klein, donc pas facile, réaliser une villa sur la bouteille de Klein, pour trouver les moyens de la construire, il a fallu passer par des origamis. C'est pas simple. Alors ça, un exercice de style purement géométrique. L'inversion d'un cylindre avec une sphère. Donc c'est là où bon, le terme architecture commence à déraper un peu. C'est futuriste, on est maintenant d'accord. Le pont Mobius, ok. Les formes inspirées. Donc, alors évidemment qu'ils sont inspirés par la nature, la végétation. Certaines dans lesquelles il est très difficile de savoir quelle est l'échelle du bâtiment. C'est à quelle taille. C'est très difficile de dire. Est-ce que c'est un escalier ou est-ce que c'est une rangée d'appartements? Je ne sais pas. Très difficile. Donc là encore, en termes d'architecture, bon, difficile à dire. Et bon là, ok, d'accord. Là, on utilise le code cellulaire, la référence à la ruche, etc. Les formes libres et l'architecture paramétrique. Là encore, s'il n'y avait pas les petits personnages, quelle est l'échelle? Difficile. Bon, alors il y a des escaliers, d'accord. Ok, mais bon, difficile de trouver l'échelle. Alors là, un musée de la préhistoire, j'y reviendrai un peu après. Je suis absolument incapable de vous dire où est l'entrée, où est la salle d'exposition, où sont les couloirs. Enfin bon, là, c'est assez délicat. Et bon, quelque chose, alors qu'il est plus près de nous, mais qui est encore de réalisation, c'est de Zahadid, de l'agence de Zahadid. Donc là, l'utilisation de l'architecture paramétrique. Hein. C'est-à-dire que là, on va faire évoluer la forme et la taille des bâtiments à partir d'un certain nombre de paramètres, comme l'éloignement des principaux axes de communication, la centralité et la fermeture de l'îlot, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Enfin, je parle de la modélisation paramétrique. Bon, après, l'utilisation qui est en effet peut-être parfois discutable. Alors, ce que bon, je vais appeler le vrai virtuel, c'est-à-dire que là, on est dans du virtuel total. Le musée Guggenheim en virtuel, on est dans un espace tridimensionnel abstrait. La bourse virtuelle de New York, dans lesquelles les cours de la bourse là, sont matérialisés par des objets tridimensionnels qui flottent autour de nous. Une architecture réflexive dans Second Life, c'est-à-dire que les personnages en se baladant dans le bâtiment modifient la forme. Donc là, on est bon dans des choses virtuelles parce que, a priori, ce n'est pas tellement réalisable dans le physique, quoique bon, oui, ça pourrait être réalisé, mais dans lequel bon, on va explorer des nouveaux moyens de lier des formes à des activités humaines. C'est pas inintéressant. Ce que j'appelle le faux virtuel, c'est-à-dire que vous avez des répliques, copies conformes de ce qui existe dans le monde physique et qui sont transposées dans Second Life. Alors, on ne sait pas si c'est l'architecte, c'est Mismandero ou un architecte anonyme qui a fait un énorme plagiat. Et puis, vous avez aussi carrément le château de Versailles. Alors, les auteurs de ces bâtiments semblent vouloir nous dire « c'est de l'architecture ». Virtuel parce que c'est une copie conforme d'un espace dans un espace virtuel d'une architecture tangible et réalisée matériellement. En fait, c'est une justification qui est assez faible. Alors, donc les architectures numériques semblent se déployer dans un domaine qui va du physique au virtuel, du système notationnel au système pictural, de la transparence référentielle à son opacité. Alors, je vais tenter d'expliquer ce schéma en m'appuyant sur deux notions. L'une est issue des travaux de Nelson Goodman et Catherine Elgin sur les systèmes symboliques, différenciation, densification syntaxique. L'autre est empruntée au théoricien de l'art moderne Philippe Junot, transparence et opacité. Ces deux notions semblent en effet révélatrices d'une situation quelque peu paradoxale. Bon, et je ferai référence aux images que vous voyez là, en particulier le musée de la préhistoire, le musée Guggenheim virtuel, etc. Puis alors des copies conformes. Et des choses qui sont entre les deux, hein, qui sont réalisées, donc le centre de culturel à Grasse, bâtiment qui est posé et entouré d'architecture très classique et qui semble un peu comme un autre. Alors, les travaux de Nelson Goodman et Catherine Elgin s'intéressent entre autres aux caractéristiques syntaxiques des systèmes symboliques. Parmi ces systèmes, certains sont syntaxiquement différenciés. Il s'agit des systèmes notationnels, dont l'exemple privilégié est la partition musicale, et des systèmes langagiers. Dans ces deux systèmes, les caractéristiques des marques physiques, la taille des notes sur une partition, la taille ou la police de caractères dans un texte, ne sont pas signifiantes, ou peu signifiantes selon le cas. Contrairement aux systèmes picturaux, syntaxiquement denses, où, pour faire bref, la moindre touche de couleur et le moindre trait de crayon sont constitutifs de l'œuvre. Les systèmes notationnels et langagiers supportent la copie, la reproduction sans altération de l'œuvre sous-jacente, les systèmes picturaux non. Les documents conventionnels de l'architecte, bon, que j'illustre ici par des plans roulés, enfin bon, plans coupés, etc., appartiennent manifestement au système notationnel. La couleur des traits est généralement peu signifiante. Ils sont syntaxiquement différenciés en ce sens qu'ils représentent des éléments d'architecture, de construction ou de mise en œuvre, selon des normes et des qualifications issues d'un ensemble d'éléments bien différenciés pour éviter toute erreur d'interprétation. Entre ces deux extrêmes, documents notationnels, systèmes picturaux, les architectures numériques semblent pouvoir se distribuer. Si certaines restent résolument dans le notationnel, d'autres empruntent dans leur forme les principes de densification syntaxique du pictural. Par exemple, le musée de la préhistoire qu'on a vu précédemment. On pourrait ainsi dire qu'en passant du conventionnel analogique au numérique digital, l'architecture acquiert des accents de densification syntaxique, ce qui est un paradoxe. Un paradoxe que l'on pourrait qualifier d'épistémologique. L'informatique, discipline du discret, semble favoriser et encourager la densification syntaxique des formes de l'architecture. Alors ensuite, deuxième élément d'analyse, en analysant le passage de l'art représentatif à l'art abstrait, transparence de la mimesis versus opacité de la poiesis, Philippe Jounot nous fournit un deuxième critère d'analyse des architectures numériques. Les documents conventionnels de l'architecte sont transparents. Ils dénotent des éléments physiques. La représentation du musée Guggenheim virtuel est totalement opaque. Elle ne renvoie qu'à elle-même. Là encore, entre ces deux extrêmes, les architectures numériques semblent pouvoir se distribuer. Certaines prennent manifestement des accents d'opacité. Dans l'image du musée de la préhistoire, il est très complexe de procéder à une analyse du bâtiment à sa décomposition en éléments fonctionnels. L'architecture devient une image d'elle-même. Ceci semble être aussi de l'ordre du paradoxe. L'ordinateur médium ou métamédium contemporain par excellence semble vouloir obtenir captif dans son univers numérique des éléments d'information et de représentation, sans doute un peu comme un trou noir. En ce qui concerne les architectures numériques, l'écran devient parfois opaque. Ou si l'on préfère, l'écran fait écran et bloque toute transparence référentielle. Voilà. Alors, en guise de conclusion, je vais essayer de faire une sorte de réconciliation entre le regard et le geek. Donc, essayer de dire qu'il faudrait arriver à travailler ensemble. Le ringard, celui pour envoyer un jugement à n'importe pièce, des textes, des traités d'architecture, des dictionnaires, enfin, de tout ce qui est un peu poussiéreux. Ce langage, donc, qui cède de l'analyse du langage comme fil d'Ariane dans la description des processus cognitifs de la composition architecturale, se heurte à des difficultés concernant les bases de la géométrie, de la topologie, l'interdépendance des organisations taxinomiques et néronomiques dans les niveaux d'interprétation. Et de l'autre côté, le geek, celui des images de synthèse, qui a une certaine tendance à profiter de la prégnance et de l'esthétique des images pour confondre traité d'architecture et traité d'algorithmique graphique, ce qui l'expose à certaines dérives et paradoxes, comme on l'a vu. Et le rend parfois très hésitant pour définir ce qui est de l'architecture. Bon, alors, proposition pour un vivre ensemble, hein. Redonner de l'importance au traité, au vocabulaire de l'architecture, et les confronter au paradigme du numérique dans la réalisation de programmes dits de conception assistée par ordinateur, ce qu'ils ne sont pas toujours actuellement. Voilà, ce qui exige de ne pas se contenter d'utiliser le numérique comme exploration du nouveau type de forme ou d'architecture, mais aussi de le mettre en œuvre en vue d'une meilleure compréhension et représentation formelle et informatique des processus cognitifs de l'architecte. Je vous remercie de votre attention. Bien, alors, étant donné qu'on a considérablement du retard, je vous propose que si vous avez des questions, vous les mettez de côté et qu'on redémarre sur les questions.